Leçon 4. Activités 2 et 3. Page 40. Piste 30. Allô. Bonjour monsieur. Ma classe veut organiser une exposition des dessins à la bibliothèque. Est-ce que c'est possible? Bonjour. C'est de la part de qui? Je m'appelle Hugo. Je suis dans CM1. Je suis délégué de la classe. Et vous êtes combien? On est 22 dans ma classe. 14 garçons et 8 filles. Très bien. C'est quand l'exposition? Samedi matin. D'accord.